les bottes, y'a les putes, y'a les bottes, y'a les putes, y'a les bottes, y'a les putes, y'a les bottes. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles, qu'est-ce que je m'en bats les couilles, qu'est-ce que je m'en bats les couilles, qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Je vais la bloquer sur Snapchat, elle est bien mais elle sent de là. Y'a les Schmitt la chave, sur le boulevard chave, calibré dans le A4, ouais même dans le 4-4. Je vais te faire une 4-4-2, tu défends, j'attaque. Tu défends, j'attaque. Petit bâtard, t'as mangé à ma table. On va te prendre à 4. Un embûche sur ma route. J'évite les faux comme des plots, je laisse la lame. Tu me dégoûtes sur toi, j'ai plein de doutes. Le jour des dessins, c'est la chasse à l'homme. Et on se dit à la prochaine. Tu verras l'ovni sur la pochette. Ça rêve de folle et de gros chèque. Tu me verras passer sur une roue en deuxième. Dans mon jet, c'est hoche. J'ai vu des gens trahir des proches quand j'avais rien dans les poches. Après tout, c'est la crise, ça cherche des cleans, c'est des grosses chaînes. J'enchaîne gros, après deux verres, j'lâche l'impro. Mon gros, la zig, j'la scène. Trop, j'fais l'instru, j'pose trop synchro. Ramène qui tu veux, ton cousin, ton oncle, ton neveu. Tant que j'suis en vie, j'fais des vœux. On me dit que j'prends un coup de vieux. J'aurais aimé avoir les yeux bleus. J'aurais aimé faire des tours en yacht. Vu le buzz, je vais plus où je veux. Viens, on se voit toi et moi où tu veux. Essaie de me tel quand tu peux. T'as conduit mais tu restes mon fils. Y'a personne, t'en profites, tu joues les grossisteux. Si je fais une loque, je prends un 6.3. Je représente mes dollars, pas les gros fils d'eux. Un oeil sur mes potes, l'autre sur le biseux. On serre la main avant, je faisais la bise. Je lève le casque quand je rentre à la cité. Maintenant j't'explique à mamacita. J't'écoute pas, j'suis en fumette, j'me suis trop cheaté. Carnalito veut fourrer Chiquita. J'fais du maquis, j'fume sur le paquis. Rien n'est acquis, faut faire confiance à qui. Que tu sois gérant ou guetteur à 6. Toi confiance, j't'ai un chien, j'ai fini à la 6. J'suis en TDM, on me prend pour un civ avec mon top case. Parle pas de concu, j'te montre ce que j'vaux rien que sur un showcase. La musique c'est mon domaine. Toi même tu sais, j'me promène. J'ai encore les crocs, man. Qu'est-ce que j'm'en bats les couilles? Qu'est-ce que j'm'en bats les couilles? Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Qu'est-ce que je m'en bats les couilles?